Et le sergent, après avoir respectueusement appuyé le revers de sa main gauche sur la grenade de son bonnet de police, l'enleva vers le ciel d'un air inspiré. D'Auvernet paraissait violemment agité. « Oui, dit-il, oui, tu as raison, mon vieux Thaddée. Cette nuit-là fut une nuit fatale. » Il serait tombé dans une de ces profondes rêveries qui lui étaient habituelles si l'assemblée ne l'eût vivement pressé de continuer. Il poursuivit. Chapitre 24. Tandis que la scène que Thaddée vient de décrire... Thaddée, triomphant, vint se placer derrière le capitaine. Tandis que la scène que Thaddée vient de décrire se passait derrière le mornet, j'étais parvenu, avec quelques-uns des miens, à grimper de broussaille en broussaille sur un pic nommé le pic du Pan, à cause des teintes irisées que le mica répandu à sa surface présentait aux rayons du soleil. Ce pic était de niveau avec les positions des Noirs. Le chemin, une fois frayé, le sommet fut bientôt couvert de milices. Nous commençâmes une vive fusillade. Les nègres, moins bien armés que nous, ne purent nous riposter aussi chaudement. Ils commencèrent à se décourager. Nous redoublâmes d'acharnement. Et bientôt, les rocs les plus voisins furent évacués par les rebelles, qui cependant eurent d'abord soin de faire rouler les cadavres de leurs morts sur le reste de l'armée, encore rangée en bataille sur le mornet. Alors, nous abattîmes et liâmes ensemble, avec des feuilles de palmier et des cordes, plusieurs troncs de ces énormes cotonniers sauvages dont les premiers habitants de l'île faisaient des pirogues de 100 rameurs. À l'aide de ce pont improvisé, nous passâmes sur les pics abandonnés et une partie de l'armée se trouva ainsi avantageusement postée. Cet aspect ébranla le courage des insurgés. Notre feu se soutenait. Des clameurs lamentables, auxquelles se mêlait le nom de Buck Jargal, retentirent soudain dans l'armée de Biassou. Une grande épouvante s'y manifesta. Plusieurs noirs du morne rouge parurent sur le roc où flottait le drapeau écarlate. Ils se prosternèrent, enlevèrent l'étendard et se précipitèrent avec lui dans les gouffres de la grande rivière. Cela semblait signifier que leur chef était mort ou pris. Notre audace s'en accrut à un tel point que je résolus de chasser à l'arme blanche les rebelles des rochers qu'ils occupaient encore. Je fis jeter un pont de tronc d'arbre entre notre pic et le roc le plus voisin, et je m'élançai le premier au milieu des nègres. Les miens allaient me suivre, quand un des rebelles, d'un coup de hache, fit voler le pont en éclats. Les débris tombèrent dans l'abîme, en battant les rocs, avec un bruit épouvantable. Je tournai la tête. En ce moment, je me sentis saisir par 6 ou 7 noirs qui me désarmèrent. Je me débattais comme un lion. Ils me lièrent avec des cordes d'écorce, sans s'inquiéter des balles que mes gens faisaient pleuvoir autour d'eux. Mon désespoir ne fut adouci que par les cris de victoire que j'entendis pousser autour de moi un instant après. Je vis bientôt les noirs et les mulâtres gravir pêle-mêle les sommets les plus escarpés en jetant des clameurs de détresse. Mes gardiens les imitèrent. Le plus vigoureux d'entre eux me chargea sur ses épaules et m'emporta vers les forêts, en sautant de roche en roche avec l'agilité d'un chamois. La lueur des flammes cessa bientôt de le guider. La faible lumière de la lune lui suffit. Il se mit seulement à marcher avec moins de rapidité. Chapitre 25. Après avoir traversé des halliers et franchi des torrents, nous arrivâmes dans une haute vallée d'un aspect singulièrement sauvage. Ce lieu m'était absolument inconnu. Cette vallée était située dans le cœur même des Mornes, dans ce qu'on appelle à Saint-Domingue les doubles montagnes. C'était une grande savane verte, emprisonnée dans des murailles de roches nues, parsemées de bouquets de pins, de gaillacs et de palmistes. Le froid vif, qui règne presque continuellement dans cette région de l'île, bien qu'il n'y gèle pas, était encore augmentée par la fraîcheur de la nuit qui finissait à peine. L'aube commençait à faire revivre la blancheur des hauts sommets environnants, et la vallée, encore plongée dans une obscurité profonde, n'était éclairée que par une multitude de feux allumés par les nègres, car c'était là leur point de ralliement. Les membres disloqués de leur armée s'y rassemblaient en désordre, les noirs et les mulâtres arrivaient de moment en moment par troupes effarées, avec des cris de détresse ou des hurlements de rage. Et de nouveaux feux, brillants comme des yeux de tigre dans la sombre savane, marquaient à chaque instant que le cercle du camp s'agrandissait. Le nègre dont j'étais le prisonnier m'avait déposé au pied d'un chêne d'où j'observais avec insouciance ce bizarre spectacle. Le noir m'attacha par la ceinture au tronc de l'arbre auquel j'étais adossé, resserra les nœuds redoublés qui comprimaient tous mes mouvements, mit sur ma tête son bonnet de laine rouge, sans doute pour indiquer que j'étais sa propriété. Et après qu'il se fut ainsi assuré que je ne pourrais ni m'échapper ni lui être enlevé par d'autres, il se disposa à s'éloigner. Je me décidai alors à lui adresser la parole, et je lui demandai en patois créole s'il était de la bande du Dondon ou de celle du Morne Rouge. Il s'arrêta et me répondit d'un air d'orgueil « Morne Rouge ». Une idée me vint. J'avais entendu parler de la générosité du chef de cette bande, Bug Jargal, et, quoique résolu sans peine à une mort qui devait finir tous mes malheurs, l'idée des tourments qui m'attendaient, si je la recevais de Biassou, ne laissait pas que de m'inspirer quelque horreur. Je n'aurais pas mieux demandé que de mourir sans ces tortures. C'était peut-être une faiblesse, mais je crois qu'en de pareils moments, notre nature d'homme se révolte toujours. Je pensais donc que si je pouvais me soustraire à Biassou, j'obtiendrais peut-être de Bug Jargal une mort sans supplice, une mort de soldat. Je demandai à ce nègre du Morne Rouge de me conduire à son chef, Bug Jargal. Il tressaillit. « Bug Jargal !» dit-il en se frappant le front avec désespoir. Puis, passant rapidement à l'expression de la fureur, il grinça des dents et me cria, en me montrant le poing, « Biassou ! Biassou !» Après ce nom menaçant, il me quitta. La colère et la douleur du nègre me rappelèrent cette circonstance du combat de laquelle nous avions conclu la prise ou la mort du chef des bandes de Morne Rouge. Je n'en doutais plus, et je me résignai à cette vengeance de Biassou, dont le noir semblait me menacer. Chapitre 26. Cependant, les ténèbres couvraient encore la vallée, où la foule des noirs et le nombre des feux s'accroissaient sans cesse. Un groupe de négresses vint allumer un feu près de moi. Aux nombreux bracelets de verre bleu, rouge et violet qui brillaient, échelonnés sur leurs bras et leurs jambes, aux anneaux qui chargeaient leurs oreilles, aux bagues qui ornaient tous les doigts de leurs mains et de leurs pieds, aux amulettes attachées sur leurs seins, aux colliers de charme suspendus à leur cou, aux tabliers de plumes bariolées, seuls vêtements qui voilà leur nudité, et surtout à leurs clameurs cadencées, à leurs regards vagues et hagards, je reconnus des griottes. Vous ignorez peut-être qu'il existe parmi les Noirs de diverses contrées de l'Afrique des nègres doués de je ne sais quel grossier talent de poésie et d'improvisation qui ressemblent à la folie. Ces nègres, errant de royaume en royaume, sont, dans ces pays barbares, ce qu'étaient les rhapsodes antiques et, dans le Moyen-Âge, les ministrels d'Angleterre, les mensigères d'Allemagne et les trouvères de France. On les appelle griots, leurs femmes les griottes. Possédées comme eux d'un démon insensé, accompagnent les chansons barbares de leurs maris par des danses lubriques et présentent une parodie grotesque des bayadères de l'Hindoustan et des almées égyptiennes. C'était donc quelques-unes de ces femmes qui venaient de s'asseoir en rond, à quelques pas de moi, les jambes repliées à la mode africaine, autour d'un grand amas de branchages desséchés qui brûlaient en faisant trembler sur leur visage hideux la lueur rouge de ces flammes. Dès que leur cercle fut formé, elles se prirent toute la main, et la plus vieille, qui portait une plume de héron plantée dans ses cheveux, se mit à crier « Wanga !» Je compris qu'elles allaient opérer un de ces sortilèges qu'elles désignent sous ce nom. Toutes répétèrent « Wanga !» La plus vieille, après un silence de recueillement, arracha une poignée de ses cheveux et la jeta dans le feu en disant ces paroles sacramentelles « Male au giab !» qui, dans le jargon des nègres créoles, signifie « J'irai au diable !» Toutes les griottes, imitant leur doyenne, livrèrent aux flammes une mèche de leurs cheveux et redirent gravement « Male au giab !» Cette invocation étrange et les grimaces burlesques qui l'accompagnaient m'arrachèrent cette espèce de convulsion involontaire qui saisit souvent, malgré lui, l'homme le plus sérieux ou même le plus pénétré de douleur et qu'on appelle le fou rire. Je voulus en vain le réprimer. Il éclata. Ce rire, échappé à un cœur bien triste, fit naître une scène singulièrement sombre et effrayante. Toutes les négresses, troublées dans leur mystère, se levèrent comme réveillées en sursaut. Elles ne s'étaient pas aperçues jusque-là de ma présence. Elles coururent tumultueusement vers moi en hurlant « Blanco, Blanco !» Je n'ai jamais vu une réunion de figures plus diversement horribles que ne l'étaient dans leur fureur tous ces visages noirs avec leurs dents blanches et leurs yeux blancs traversés de grosses veines sanglantes. Elles m'allaient déchirer. La vieille, à la plume de héron, fit un signe et cria à plusieurs reprises « Zôtez cordée ! Zôtez cordée ! Accordez-vous ! Accordez-vous !» Ces forcenées s'arrêtèrent subitement et je les vis, non sans surprise, détacher toutes ensemble leurs tabliers de plumes, les jeter sur l'herbe et commencer autour de moi cette danse lascive que les Noirs appellent la chica. Cette danse, dont les attitudes grotesques et la vive allure n'expriment que le plaisir et la gaieté, empruntait ici un caractère sinistre. Les regards foudroyants que me lançaient les griottes au milieu de leurs folâtres évolutions, l'accent lugubre qu'elle donnait à l'air joyeux de la chica, le gémissement aigu et prolongé que la vénérable présidente du Sanhédrin noir arrachait de temps en temps à son balafaud, espèce d'épinette qui murmure comme un petit orgue et se compose d'une vingtaine de tuyaux de bois dur dont la grosseur et la longueur vont en diminuant graduellement. Et surtout, l'horrible rire que chaque sorcière nue, à certaines poses de la danse, venait me présenter à son tour, en appuyant presque son visage sur le mien, ne m'annonçant que trop à quels affreux châtiments devait s'attendre le blanco profanateur de leur wanga. Je me rappelais la coutume de ces peuplades sauvages qui dansent autour des prisonniers avant de les massacrer, et je laissais patiemment ces femmes exécuter le ballet du drame dont je devais ensanglanter le dénouement. Cependant, je ne pus m'empêcher de frémir quand je vis, à un moment marqué par le balafaud, chaque griotte mettre dans le brasier la pointe d'une lame de sabre ou le fer d'une hache, l'extrémité d'une longue aiguille à voiture, les pinces d'une tenaille ou les dents d'une scie. La danse touchait à sa fin, les instruments de torture étaient rouges. À un signal de la vieille, les négresses allèrent processionnellement chercher, l'une après l'autre, quelque arme horrible dans le feu. Celles qui ne purent se munir d'un fer ardent prirent un tison enflammé. Alors, je compris clairement quel supplice m'était réservé et que j'aurais un bourreau dans chaque danseuse. À un autre commandement de leur coryphée, elles recommencèrent une dernière ronde, en se lamentant d'une manière effrayante. Je fermai les yeux pour ne plus voir du moins les ébats de ces démons femelles qui, haletant de fatigue et de rage, entrechoquaient en cadence sur leur tête leurs ferrailles flamboyantes, d'où s'échappait un bruit aigu et des myriades d'étincelles. J'attendis, en me roidissant, l'instant où je sentirais mes chairs se tourmenter, mes os se calciner, mes nerfs se tordre sous les morsures brûlantes des tenailles et des scies, et un frisson courut sur tous mes membres. Ce fut un moment affreux. Il ne dura heureusement pas longtemps. La chicane des griottes atteignait sa dernière période quand j'entendis de loin la voix du nègre qui m'avait fait prisonnier. Il accourait en criant « Que haces, mujeres de demonios ? Que haces, Ali ? Dexaïs mi prisonero ? Que faites-vous, femme du démon ? Que faites-vous là ? Laissez mon prisonnier. » Je rouvris les yeux. Il était déjà grand jour. Le nègre se hâtait avec 1000 gestes de colère. Les griottes s'étaient arrêtées, mais elles paraissaient moins émues de ces menaces qu'interdites par la présence d'un personnage assez bizarre dont le noir était accompagné. C'était un homme, très gros et très petit, une sorte de nain, dont le visage était caché par un voile blanc, percé de 3 trous pour la bouche et les yeux, à la manière des pénitents. Ce voile, qui tombait sur son cou et ses épaules, laissait nue sa poitrine velue, dont la couleur me parut être celle des griffes, et sur laquelle brillait, suspendu à une chaîne d'or, le soleil d'un ostensoir d'argent tronqué. On voyait le manche, en croix, d'un poignard grossier, passer au-dessus de sa ceinture écarlate, qui soutenait un jupon rayé de vert, de jaune et de noir, dont la frange descendait jusqu'à ses pieds larges et difformes. Ses bras, nus comme sa poitrine, agitaient un bâton blanc. Un chapelet, dont les grains étaient d'Adrézara, pendait à sa ceinture, près du poignard, et son front était surmonté d'un bonnet pointu, orné de sonnettes, dans lequel, lorsqu'il s'approcha, je ne fus pas peu surpris de reconnaître l'agora d'Abibra. Seulement, parmi les hiéroglyphes dont cette espèce de mitre était couverte, on remarquait des taches de sang. C'était sans doute le sang du fidèle bouffon. Ces traces de meurtre me parurent une nouvelle preuve de sa mort et réveillèrent dans mon cœur un dernier regret. Au moment où les griottes aperçurent cet héritier du bonnet d'Abibra, elles s'écrièrent toutes ensemble « Lobby !» et tombèrent prosternées. Je devinai que c'était le sorcier de l'armée de Biassou. « Basta, basta !» dit-il en arrivant auprès d'elle avec une voix sourde et grave. « Dexaïs est prisonnero de Biassou. Il suffit, laissez le prisonnier de Biassou. » Toutes les négresses, se relevant en tumulte, jetèrent les instruments de mort dont elles étaient chargées, reprirent leur tablier de plumes, et, à un geste de Lobby, elles se dispersèrent comme une nuée de sauterelles. En ce moment, le regard de Lobby parut se fixer sur moi. Il tressaillit, recula d'un pas, et reporta son bâton blanc vers les griottes, comme s'il eût voulu les rappeler. Cependant, après avoir grommelé entre ses dents le mot « maldicho », maudit, et dit quelques paroles à l'oreille du nègre, il se retira lentement, en croisant les bras, et dans l'attitude d'une profonde méditation.